se rapproche, hein. Serre le coude, frérot. Sera le prochain, frère, un cousin qui finira sous une voiture avec une balle dans les reins. Quelle ville, quel quartier qui jettera le premier pavé, qui sera le premier taré à foncer tête baissée, se fermer. Quelle famille va pleurer un fils mort pour un larcin, quelle équipe va pleurer un pote mort pour un arsène. Quel juge sera couverture pour un Schmitt sur la sellette, qui servira le café au jury qui trouvera ça honnête. Qui sera la justice, qui fera la justice, qui sera le juste fils de pute qui trouvera la justice. Quand l'officier prendra de nouvelles fonctions officielles, qui trouvera la justice d'avoir trouvé le juste ciel, hein. Quelle télé aura le scoop du père et de l'avocat, prenant parole pour stopper incendie et dégâts. Quelle omission aura pour mission de faire bilan de banlieue, invité stéréotypé, politique de haut lieu. Quelle mère posera une fleur sur les lieux en criant mon Dieu, mon fils est mort, mort pour un coup de feu. Quel frère grandira dans la peine, vengeance dans les veines, va lui dire que les képis c'est pas tous les mêmes. Qui sera le prochain? Simple et pessimiste, c'est qu'on est souvent déçu. Si je chronique d'un temps triste, c'est que la rage a pris le dessus. J'ai vu des morts si injustes, parfois ma foi disparaît. C'est comme si la justice s'était faite crever dans une allée. L'an 2000 sera l'époque de la violence et du sang, parce que la force de tuer se trouve entre les mains des agents. J'entends des cris sortir du poste, je vois des marques de sang par terre. Des flics qui font la guerre, des jeunes sur des civières. Qui sera le prochain? Toi ou moi, j'en sais rien. Qui servira d'exutoire à ce flic anti-maghrébin? Protège tes fesses, négro, quand les schmittos sont tout prêts. En deux secondes, tous les moyens sont bons pour t'interpeller. Moi, je baisse les bras, trop de bavures succèdent en haut les mains. Si la violence est un moyen, le crime en est la fin. Les torches sont des lieux, comme un mirador à fleuri. Les menottes scotchent de nuit dans un bain de folie. La jeunesse stresse, rien pour qu'elle décompresse. Tous tendus comme le doigt sur la gâchette compresse. On se bat comme on peut pour éviter la détresse. Y a un an de ça, Toulouse c'était Los Angeles. Quand j'étais petit, je croyais que la vie avait le goût du rêve, et non celui du vide que je vis quand un gosse crève. Qui sera le prochain? Un prochain frère, un cousin. J'entends déjà le bruit des flics qui se rapprochent, hein. Les tristes flaques de sang versé, j'ai fait un fleuve. Un pote s'éteint trop tôt et la cité est veuve. Qui sera le prochain? Un prochain frère, un cousin. J'entends déjà le bruit des flics qui se rapprochent, hein. Chaque fois que la vie s'éteint, la haine s'éveille, crache feu comme dragon. L'enfant de boue, cocktail mollo, fait maison. Haine de flics, relais de la tradition, pas dialogue ni traduction. Crame les voitures comme pour l'introduction d'une jeunesse sous le silence, brisée par tant de revanche. D'un pool d'officiers chargé en attendant dimanche. C'est cow-boy contre indien, flèche contre fusil. Une guerre de mille ans, hier, demain, aujourd'hui. Qui sera le prochain? De mon côté ou du tien? Un tour de chaque, le destin frappe comme un coup de putain. Puisse Dieu sauver les mien. Bénir chaque pain est certain, bénir chaque fille qui se trouve seule quand je lâche les chiens. Des tristes flaques de sang versé, j'ai fait un fleuve. Un pote s'éteint trop tôt et la cité est veuve. Qui sera le prochain? Un flic à team maghrébin. J'entends déjà la rage des miens qui se rapprochent, hein.